Corneille s'était formé tout seul. Mais Louis XIV, Colbert, Sophocle et Euripide contribuèrent tous à former Racine. Sa réputation s'est accrue de jour en jour et celle des ouvrages de Corneille a un peu diminué. La raison en est que Racine, dans tous ses ouvrages, depuis son Alexandre, est toujours élégant, toujours correct, toujours vrai, qu'il parle au cœur et que l'autre manque trop souvent à tous ses devoirs. Racine passa de bien loin et les Grecs et Corneille dans l'intelligence des passions et porta la douce harmonie de la poésie ainsi que les grâces de la parole au plus haut point où elles puissent parvenir. Ces hommes enseignèrent à la nation à penser, à sentir et à s'exprimer. Leurs auditeurs, instruits par eux seuls, devinrent enfin des juges sévères pour ceux-mêmes qui les avaient éclairés.